direct sur la radio Gemozo, donc 100.7 FM, en direct donc de mon émission Couloir de l'insolite, et en compagnie de Marion aujourd'hui. Bonjour. Voilà, qui m'accompagne parce que j'ai, comme on dit chez nous, j'ai un chat dans la gorge et j'ai des voix là. Voilà, j'ai des voix là. La voix qui s'échappe avec le temps qui a fait superbe. Et puis, ah, ça c'est sûr, ça aide évident, pas. Hein. Donc, je pense que je ne suis pas tout le seul. Donc moi, je voulais vous parler aujourd'hui, donc Couloir de l'insolite, j'ai écrit l'abbaye sans âme, et là je voulais vraiment vous parler aussi de d'explorations que j'ai fait dans d'autres abbayes, puisqu'on est allé dans le catharisme à ma dernière émission. Donc j'ai visité beaucoup d'abbayes sur le Mont-Saint-Michel, la région bretonne normande, sans vouloir les dissocier, et naturellement le plus grand et le plus fréquenté qui est le Mont-Saint-Michel. Vous y êtes déjà allé, Marie ? Oui, j'ai eu la chance d'y aller il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Avec les nouvelles structures d'accueil. Mais j'y suis allée le jour de l'an et malheureusement l'abbaye était fermée. Oui. C'est un des rares jours où l'abbaye est fermée. Mais voilà, en tout cas, on a pu voir l'extérieur et visiter un petit peu le Mont-Saint-Michel. Alors moi, je fréquente le Mont-Saint-Michel depuis une quinzaine d'années, régulièrement, dernièrement, depuis qu'il y a ce nouvel abord du Mont-Saint-Michel. Donc c'est assez contesté. Le Mont-Saint-Michel perd beaucoup de touristes, il a perdu plus d'un million de touristes ces deux dernières années du fait de la cherté des parkings. C'est vrai que c'est pas donné. C'est pas donné, voilà, c'est ça. C'est pas évident aussi d'avoir un chien. Ce qui est mon cas, de laisser son chien dans la voiture ou alors d'aller à pied jusqu'à la structure du Mont-Saint-Michel même. Donc là, je ne sais pas s'ils ont fait un bon choix. Après, on dit oui, c'est une presqu'île insulaire. On lui a redonné ses origines. Donc après, chacun voit midi à sa porte, comme on l'a dit. Alors donc le Mont-Saint-Michel, la grande question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'il était breton ? Est-ce qu'il est breton ? Est-ce qu'il est normand ? Hein, c'est ça. Ça, hein. c'est la question que tout le monde se pose. Alors moi j'ai fait quand même mes petites recherches. Alors il a été breton. Il a été breton, quoi qu'il en soit, le Mont-Saint-Michel a été breton de 867 à 1009. Et ensuite, il a été conquis par... je crois que c'est Alain III de Bretagne qui a perdu sa bataille, roi et duc de Bretagne, qui entre en conflit avec son cousin, le duc Robert Ier de Normandie, fils de Richard, et donc qui gagne la bataille et il s'accapare le mont Saint-Michel, et là seulement il vient normand. Donc voilà, on peut dire qu'ils sont à égale distance dans le temps, puisqu'ils ont un millénaire chacun pour eux. Mais je pense que maintenant, il continuera d'être normand. On s'est servi beaucoup du Couesnon. Donc le Couesnon, c'est le petit affluent qui arrive et qui se verse dans la mer et qui a servi d'élimiter le Mont-Saint-Michel. Alors, il y a beaucoup de légendes sur le Mont-Saint-Michel. J'ai eu la chance de rencontrer des gens très intéressants. Il y a déjà une dizaine d'années qui ont édité des livres... Et donc j'ai fait des visites un peu extraordinaires que, entre guillemets, le commun des touristes n'ont pas effectuées. Et là, il y a des périodes de restauration qui sont assez longues et dont ces sites ne sont plus accessibles actuellement. Mais j'avais envie de commencer déjà. Alors la guerre, qu'est-ce que c'est ? La guerre, il y en a une avant. C'est naturellement le Mont-Saint-Michel, c'est le diable et c'est Saint-Georges, Saint-Michel, quoi. Terrassant le diable. Mais avant, ils se sont fait une petite guéguerre. Alors, j'ai trouvé une légende qui est gentillette. Et j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je vais vous la raconter. Alors, en temps de grande sécheresse, le diable et Saint-Michel ont dû s'allier. C'est incroyable. Hein? L'archange proposa donc aux malins de cultiver ensemble du blé. Le diable accepta volontiers. C'est ainsi qu'ensemble, ils cultivèrent leurs céréales. Mais au moment de récolter, Saint-Michel dit au diable « Si tu es d'accord, je prends ce qu'il y aura au-dessus du sol, et toi tu prends ce qu'il y a en dessous. » Le diable accepta et se retrouva bien entendu avec uniquement les racines du blé, alors que l'archange lui récolta nombre de graines. Ensuite, Saint-Michel proposa au diable de cultiver des pommes de terre. Alors le malin, qui ne voulait pas se faire avoir une deuxième fois, accepta mais émit donc une condition. À la récolte, alors cette fois-ci, je prends ce qu'il y a au-dessus et toi, Saint-Michel, tu prends ce qu'il y a en dessous. Je ne ferai pas la même erreur deux fois. Bien entendu, le diable ne récolta que le feuillage de la pomme de terre pendant que Saint-Michel dégustait ces délicieuses pommes de terre qu'il venait de récolter. Le diable foudrage s'en alla combattre l'archange. C'est comme ça qu'il paraît que la guerre a commencé. D'accord, pour une histoire de blé et de pommes de terre. Exactement. Bon, après, hein, ça laisse à... Voilà, on dit après que la pomme de terre est arrivée seulement par Parmentier au XVIIIe siècle pour fouler toutes les famines qu'il y avait dans notre pays. Mais c'est une petite légende que j'ai trouvée super sympa. Elle est rigolote. Voilà. Alors donc, le combat de Saint-Michel sur le lieu du Mont-Tombe, donc c'est un lieu païen, celtique, qui existe bien avant l'homme lui-même, qui est mégalithique. C'est un monument destiné en premier abord à un culte païen, qui sera vraisemblablement remplacé par un premier oratoire en l'honneur de l'archange Saint-Michel à partir de l'an 709. Et donc en 710, et pendant tout le Moyen-Âge, il fut couramment surnommé par les clercs Mont-Saint-Michel au péril de la mer, c'est-à-dire Mont-Sancti Michaeli in Pecrecello Mari. Donc voilà, donc c'était, en fin de compte, l'autre légende dit que c'est un trou béant en dessous du Mont-Saint-Michel et que le diable et Saint-Michel se sont battus. Le diable est arrivé à refouler, non, Saint-Michel est arrivé à refouler le diable au fond d'un immense trou et on a construit et on a reconstruit et on a fait que construire au-dessus de ce trou. Ça veut dire que le diable est à l'intérieur et au fond, tout au fond du Mont-Saint-Michel. D'accord. Voilà. Ça, c'est des petites anecdotes que chacun... Mais ils sont assez chauvins. Bon, ils sont un peu comme nous, hein. De toute façon, ils défendent chacun leur histoire. Et donc, c'est un rattachement donc à la Normandie qui s'est fait à partir de l'an 900. Ce que je tiens à raconter, c'est aussi la légende de Saint-Aubert, l'évêque d'Avranches. Donc il y a une petite chapelle quand vous arrivez face au Mont-Saint-Michel qui est à l'extrémité gauche, qui n'est pas dans la structure même du Mont-Saint-Michel. Et c'est la chapelle Saint-Aubert. Alors la chapelle Saint-Aubert, c'était donc l'évêque d'Avranches qui dormait. Et un soir, il y a un ange qui est venu et qui lui a dit « Sur ce mont, tombe, tu construiras mon église. » Donc le lendemain matin, Saint-Aubert est devenu Saint-Aubert. L'évêque Aubert s'est dit « J'ai fait un rêve. » Il n'en a pas tenu compte. Il n'a pas construit ne serait-ce qu'une petite chapelle. Quelques mois après, l'ange revient et lui fait la même demande. Et il est dans la même indifférence. Et un mois après, ce fameux ange revient, prend son index et l'enfonce dans la tempe droite de Saint-Aubert. Et lui dit, c'est la dernière fois que je te le dis, sur cet endroit, tu construiras mon sanctuaire, où toute la chrétienté viendra faire son pèlerinage et ensuite partira sur Saint-Jacques de Compostelle et surtout sur la Terre Sainte. Là, Saint-Aubert a réuni tout le monde et il a commencé à construire le premier site sur donc ce site païen à l'endroit du Mont-Saint-Michel. Ensuite, l'habitude, c'était de garder donc ce genre de les corps des évêques qui étaient devenus, parce que c'était un bon évêque, était devenu Saint-Aubert, surtout aussi parce qu'il avait construit le Mont-Saint-Michel. Et donc, il a, à sa mort, donc, on a déterré son corps 20 ans après, qui était enterré au Mont-Saint-Michel. Tout ça pour mettre ses ossements dans un reliquaire, comme on le faisait d'habitude avec les saints. Donc ça, c'est autre chose. Hein, c'est entre guillemets la guerre des reliques. Et là, on a trouvé dans la tempe droite de l'évêque un trou dans sa tempe qui aurait été donc la marque de l'ange. C'est par l'ange. Qui lui a, oui, c'est, et on voit, je ne sais plus si c'est à Avranches ou si c'est au Mont-Saint-Michel, mais je pense que c'est à Avranches, où on voit ce crâne avec le trou dans la tempe droite, et c'est le doigt inquisiteur, justement, de l'ange pour faire construire ce mont-là. Donc, ouais, c'est rempli de légendes, hein, quand même, hein, cet endroit-là. Donc, Avranches aussi, je vous conseille, avec tous ces week-ends, d'aller visiter la bibliothèque d'Avranches, puisque tous les fameux manuscrits que l'on réceptionnait au Mont-Saint-Michel, on les recopiait, donc arabes, manuscrits en langue arabe, en langue grecque, voire chinois aussi, arrivaient au Mont-Saint-Michel autour de l'an 1000, et on avait un des plus grands scriptoriums. Donc un scriptorium, c'est un endroit où on retranscrit à la main les livres étrangers, en langue étrangère, en latin, sur des magnifiques incunables, donc c'est des gros registres, faits de peau de mouton, avec des enluminures, avec une calligraphie superbe, avec des déliés. Ça prenait énormément de temps. Hein. Quelqu'un qui avait 12 parchemins, 12 incunables dans sa bibliothèque, était quelqu'un de très riche. Il fallait pour un incunable, à peu près, plus de 100 peaux de mouton pour pouvoir faire un livre à l'époque. Donc, à la Révolution, le Mont-Saint-Michel a été, donc, comme tout endroit religieux, vidé de ses occupants, c'est-à-dire la confrérie qui y vivait. Et donc, pour éviter de se faire saisir ses livres, surtout de se faire détruire, ils ont tous été concentrés sur la bibliothèque d'Avranches. Et là, vous pouvez toujours les consulter et voir le magnifique travail des moines dans le scriptorium donc, de l'abbaye de Mont-Saint-Michel. Et c'est vraiment magnifique à voir. En plus, vous avez même des cartes postales vous pouvez acheter, qui sont des reproductions de ces pages enluminées. Et sinon, voilà, vous avez des endroits que vous connaissez si vous avez visité le Mont-Saint-Michel, comme la salle des 10 piliers, vous avez la grande nef, vous avez naturellement... Il paraît donc qu'il y a quand même 3 500 000 personnes qui visitent le Mont-Saint-Michel, mais seulement un tiers ne visite que l'abbaye. Donc, il faut savoir quand même que... Quand vous allez dans l'abbaye, c'est quand même vraiment magique. Il faut monter, c'est vrai, toutes ces marches. Il paraît qu'il y a beaucoup de marches à monter, oui. Oui, oui, oui. Mais après, vous pouvez soit bénéficier d'un guide, soit bénéficier aussi comme d'un casque vidéo guide. Et moi, j'avais pris un universitaire, c'était en période de Noël, justement, qui faisait visiter justement le Mont-Saint-Michel. Et là, on a visité des endroits magnifiques. Après, j'ai eu une conversation avec lui. Il a fait la 7e porte. Il ne faut pas confondre avec la 9e. 9e porte, je crois, c'est le fameux film de Roman Polanski qui retourne sur le Qataris. Et lui, c'est la 7e porte parce que, en fin de compte, par un moment, on arrive dans le superbe cloître qui domine la mer entière avec une baie vitrée où le cloître aurait dû continuer. Mais on n'en a pas eu les moyens. L'abbé de Thoringe, à l'époque, n'avait pas les moyens financiers pour continuer cette construction. Donc on a fait une sorte de panorama. Et je me rappelle justement, on était là, on était six personnes avec lui. Là, on pouvait poser des questions que l'on voulait. Et lui-même nous en posait. Mais à un moment, il dit, regardez, sur ce cloître arrivent 7 portes. Donc on compte les portes, il y a la porte du réfectoire, la porte du scriptorium, la porte de la salle des chevaliers, la porte de l'abbatiale, et on en trouvait tous que 6. Et puis en fin de compte, moi j'ai eu une idée, entre guillemets, de génie. La 7e porte, c'était le ciel qui s'ouvrait à nous, qui était juste au-dessus de nous. D'accord. Alors donc lui, il a fait un livre qui est magnifique, mais très scientifique, et qui parle de la numérologie, et du nombre d'or, de la cabale, comment on a construit par les compagnons, toujours, les sculpteurs de pierre, au fur et à mesure, toutes les phases de construction, comment on est arrivé à cet monument presque titanesque, mais il devrait être beaucoup plus grand. Il a subi plusieurs incendies qui a réduit la nef, où quand on rentre dans l'abbatiale, on n'a plus que 4 travées. Normalement, une cathédrale ne doit posséder en numérologie 7 travées. Donc, vous comptez, je crois que vous n'en avez plus que 4. Il y en a 3. Et vous êtes sur cette grande terrasse. Et au sol, vous regardez, vous avez des lettres qui sont inscrites, que vous retrouvez de temps en temps sur le sol. Et en fin de compte, chaque lettre correspond au sculpteur de pierre d'il y a 800 ans qui avait déjà annoté sa marque pour l'éternité. Il avait fait une signature. Voilà, exactement. Donc on va passer un petit moment de musique. On va faire une petite pause, ça marche. Voilà, toujours Alain Sainteau, donc en direct de Guémozo. Donc je vous parlais du Mont-Saint-Michel, en fin de compte, comme d'habitude. J'avais beaucoup de choses à vous dire et je crois qu'on pourrait faire l'émission entière sur le Mont-Saint-Michel. Mais voilà, donc ce que je tenais à vous dire, c'est que n'oubliez pas d'aller visiter l'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire tout en haut des marches, avec un guide ou simplement les mains dans les poches pour voir les architectures différentes. Et moi, ce guide m'avait emmené, donc ça, j'avais la chance, m'avait emmené avec une énorme clé, mais qui faisait au moins 30 cm de longueur. Et on était descendu à l'intérieur du mont, dans des grands couloirs silencieux, du salpêtre sur les pierres, tout ce que j'aime, cette ambiance assez mystique et millénaire. Et il ouvre une porte à double vantau avec cette énorme clé. Et là, il me dit, voilà, donc là, peu viennent. Et je vais vous montrer quelque chose qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Et on rentre dans une grande salle avec des gros piliers, à roman, donc à roman, quelque chose d'assez très austère. C'est l'art cistercien, c'est la passion vraiment de vivre que du principal. Et on est arrivé, et dans cette chapelle, il y avait 2 autels, à chacun son extrémité de cette chapelle. Et il y avait 2 cultes différents apparemment, et ça s'appelle Notre-Dame sous terre. Et derrière ces 2 autels, une énorme pierre, et apparemment ça serait les fondations de l'ancien monument de culte païen qui existait au temps de Saint-Aubert. Voilà. Il y a des petites choses aussi que j'avais envie de vous dire, c'est-à-dire quand même qu'il y... Bon, au 19e siècle, on avait quand même 300 habitants sur le Mont-Saint-Michel. Et actuellement, Nous n'en avons plus que 33 habitants qui habitent, qui résident continuellement sur le Mont Saint-Michel. On a une visite journalière de 12 000 visiteurs et il y a des heures de pointe comme à 16 000 visiteurs. Et comme je vous le dis, ben, depuis qu'il y a les nouvelles structures, de 3,5 millions visiteurs par an, on est descendu à 2,2 millions. Donc je pense que... Moi, je sais que le soir, j'étais pas très loin, j'étais dans une auberge qui s'appelait l'Écurie, je crois. Et le soir, c'était vraiment un plaisir. On pouvait prendre sa voiture, aller au pied du Mont Saint-Michel. On ne payait pas encore. De toute façon, on avait un billet pour l'entrée, un pass. Et mon plaisir, c'était de parcourir les remparts la nuit, seul, et d'entendre. Et il y avait un silence magnifique, d'entendre une quinquinphonie d'oiseaux, tous différents. Et le bruit de la mer qui était au loin, c'était souvent à marée basse. Et je parcourais toutes ces petites venelles, ces petites ruelles, montant, descendant. Et par un moment, je suis même arrivé dans le cimetière des moines de l'abbaye Saint-Michel. Et c'était vraiment magique. C'était un endroit. Et je crois que j'espère qu'on peut encore faire cela. Parce que vous avez l'impression que vous avez le... En plus, bon, naturellement, moi, je sors quand les autres sont bien au chaud, parce que mes vacances, je les prends tout le temps, n'importe où, au moment de Noël, de Nouvel An, et du mois de janvier, pour avoir justement une sorte de solitude dans ces grands lieux religieux, d'inspiration, qui sont souvent privés, mais là c'est un lieu public. Et pour trouver justement cette philosophie, dans un lieu public, il faut vraiment s'isoler, c'est pas évident quand on voit la foule de personnes qu'il peut y avoir autour de vous. Et puis, et en face du mont Saint-Michel, je tenais aussi à en parler, c'est un petit endroit qui est super, vous voyez toujours un petit éperon rocheux. Alors, c'est le mont Tombelaine. Donc, ça ne fait pas partie du mont Saint-Michel, ça fait partie de la commune des Genêts. Les Genêts, alors, faut aller presque sous Avranches, ou continuer Avranches. Vous allez sur les plages de Genêts. Et de là, souvent, vous avez des guides qui vous emmènent pour faire la traversée des sables. Il faut prendre un guide parce qu'il y a vraiment... Par un moment, tout va bien. Moi, j'ai deux chiens, ils sont toujours en avant et tout ça. Puis quand je commence à voir mes chiens, qui sont quand même relativement légers, qui commencent à s'enfoncer, je me dis, ne va pas plus loin. Oh, les chiens vont disparaître. Alors les chiens, ils ont toujours la vivacité et l'agilité de sortir quand même du sable. Mais moi, je pense que je ne suis pas très agile sur ce terrain moueux. C'est un terrain vraiment mouvant, quoi. Et puis j'ai aussi la chance, puisque je suis cavalier, de pratiquer deux fois le tour du Mont Saint-Michel à cheval. Ça, ça doit être sympa à faire. Ouais, enfin, j'ai peur des chevaux, donc je le ferai pas. Mais ouais. Mais ça doit être sympa pour ceux qui aiment bien monter à cheval. Oui. Il y a des écuries, notamment à Pontorson, où les chevaux sont relativement bien traités, qui ne servent qu'à ça. Donc à tout niveau, mais enfin, il faut quand même mettre une bombe, vérifier bien que vous soyez les pieds dans les étriers. Et puis, de temps en temps, on vous demande quand même de faire un galop. Des fois, je me dis, des gens qui n'ont jamais monté à cheval, je ne sais pas comment ils arrivent à assumer ça. Moi, je me vois... Bon, on était quand même une petite équipe de 6 avec un niveau 4 déjà. Et il y a un moment, on arrive à l'entrée du Mont Saint-Michel. Mais je vous parle avant la structure routière, les navettes, hein, tout ça. Donc, on pouvait aller dans la première cour chartière du Mont Saint-Michel à cheval. Ah ouais. Et on y est arrivé au galop. Et j'avais un superbe cheval blanc qui s'appelait César. Et quand j'ai, entre guillemets, redémarré, je lui ai demandé un départ au galop sur les pavés. Il m'a provoqué une gerbe d'étincelles digne du plus grand chevalier. Des croisades, c'était superbe, quoi. Et donc, voilà, vous avez des moments comme ça. Et puis, vous avez tous les pèlerins qui font ce pèlerinage. Mais il faut faire attention. Hein. Il y a quand même vraiment des sauvetages qui sont par hélicoptère, de gens qui sont pas sérieux, qui ne respectent pas les limites. Ah bah c'est sûr qu'il faut respecter, en plus déjà, les marées. Il ne faut pas dire je vais y aller là. Ouais. Et... Parce que bon, après, si la mer elle est haute, bah, on est bloqué hein, sur le mont, on ne peut plus ressortir. Quand elle revient, elle fait dit, vous avez un brouhaha, vous avez vous voyez au loin la mer moussue qui avance inexorablement. Et là, vous voyez la mer et on dit qu'elle arrive à la vitesse d'un cheval au galop. D'accord. C'est-à-dire 30, 40 km heure quand même. Quoi. Oui, ça peut aller très vite, hein. ça peut monter très vite. Le problème, c'est que vous ne pouvez... Voilà, vous avez l'impression d'être au sec, mais vous êtes entouré déjà souvent devant et parfois derrière, et tout en étant au sec. Ça n'arrive pas comme ça d'un même instant au même endroit. Donc vous pouvez être isolé et c'est là que ça devient un problème. Et donc, ce petit mont Tomblaine, oui, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un endroit où on a quand même construit un petit château. Donc, pendant la guerre de Cent Ans, le Mont Saint-Michel a été isolé totalement par les Anglais, dans un siège qui a duré des années. Les Français, donc, étaient sur le Mont Saint-Michel, ont résisté au siège pendant des années. Mais en face, à jet-pierre, hein, si on peut dire, le petit mont de Tomblaine, ils ont construit un petit château. Et on avait les Anglais qui étaient là. Et, ils ne sont jamais arrivés à rentrer au Mont Saint-Michel. Alors, j'ai trouvé justement dans mes archives, en 1666, c'est quand même le chiffre du diable, que ce petit mont de Tomblaine avait appartenu au marquis de la Châtrière, qui a demandé sa destruction. Et que l'île a appartenu à Nicolas Fouquet. Donc Nicolas Fouquet, on en reparlera dans une autre émission, mais c'est un personnage totalement insolite. Vous connaissez Nicolas Fouquet ? Alors le nom me dit quelque chose, oui. Mais alors là comme ça, retrouver qui c'est, je ne sais plus. Alors c'est quelqu'un qui a osé être plus riche que le roi Louis XIV. Donc, il a donné une fête pendant 3 jours à Vaux-le-Vicomte. Il venait de terminer son magnifique château. Et avec des grands architectes, le Nôtre, le Brun, le Vaux. Et quelques jours après, il s'est fait emprisonner. Ah, pas de bol. Et le roi lui a pris ses terres. Il avait Belle-Île-en-Mer aussi, Nicolas Fouquet. Il lui a pris sa fortune. Il l'a fait enfermer, on dit, à la forteresse de Pignerolles. Et on ne l'a jamais revu, d'où une des suppositions, il aurait été masqué. Ah, l'homme enfermé, au masque de fer. Et ça serait peut-être, voilà, l'homme au masque de fer. Oui, parce que c'est pareil, l'homme au masque de fer, on peut en dire aussi. Ouais, hein. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est vrai qu'on est sur le Mont Saint-Michel, et là, on est sur le petit endroit de Tomblaine. Et surtout, vous pouvez y aller, mais pas tout le temps. Parce que maintenant, c'est une réserve de chasse maritime qui a été créée en 1974 à l'initiative de la municipalité de Genet. Et vous y trouvez mais une multitude d'oiseaux. Il y a 16 espèces qui ont éniché. Vous avez l'aigrette, garzette. Moi, je connais beaucoup le faucon pèlerin. J'ai fait de la fauconnerie personnellement. Vous avez le héron garde-bœuf, vous avez le canard colvert. Et quand je vous disais que je me baladais sur les remparts le soir, la nuit, et que j'entendais cette quinquinfonie de... Ça venait de là, en fait. Ça venait du mont Tomblaine. D'accord. Oui, parce que c'est vraiment une réserve d'oiseaux. Et puis, vous avez des oiseaux de passage aussi, comme le grand cormoran. Vous avez l'ibis sacré d'Égypte, qui réside quelques semaines sur ce mont de Tomblaine. Et la petite légende que je voulais dire aussi, c'est que... alors, c'est peut-être une légende un peu vulgaire, mais Tomblaine, c'était un chevalier qui était amoureux d'une dame qui s'appelait Hélène. Donc, on a dit... Elle était propriétaire à ce moment-là de cet endroit. Le chevalier était tombé pour Hélène. Donc Tomblaine. Oh. Voilà, les origines, l'étymologie des mots et des lieux. D'accord. Voilà. Et il est déjà 10h30, donc c'est la fin de mon émission. Donc on reprendra parce que j'avais préparé aussi un dossier sur l'abbaye de la Lucerne d'Outremer, l'abbaye de Amby et l'abbaye de Notre-Dame Saint-Sever. Et c'est tous des lieux vraiment à 15-30 km maximum du Mont-Saint-Michel, comme l'abbaye de la Lucerne d'Outremer, qui est un lieu privé, qui est restauré depuis 80 ans par une association, qui a été entièrement détruite, qui est un lieu magnifique, loin de la foule. Et pour terminer, justement, cette relation avec le Mont-Saint-Michel, elle a été construite avec les mêmes pierres que le Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire le granit des carrières, des îles de Chaussée. Et c'est les mêmes pierres qui ont construit cet endroit. Et eux, ils ont quoi 3000 visiteurs à l'année. Et c'est vraiment un endroit où moi, je passe beaucoup de temps, où il s'est passé beaucoup de choses, et je vous raconterai ça dans une autre émission. Ça marche. Voilà. Donc, je tenais à dire aussi bonjour à tous les gens qui m'ont pris mon livre en dépôt vente, comme à Saint-Étienne-et-Remiremont dernièrement, Charlie, et Déclic Coiffure aussi. Donc, voilà. Et donc, L'Abbaye sans âme, tome 2, sort à Noël. Mais là, j'ai eu une réunion avec le maire de Remiremont, qui m'a vraiment super accueilli, parce que la baisse du diable est en train de s'écrire. Donc, c'est pour ça que je fréquente beaucoup ces endroits mystiques. Et j'ai découvert des tas de secrets que je vais relater avec des procès de sorcellerie, que je vais relater dans ce livre qui va sortir pour le livre sur la place à Nancy, et peut-être normalement en primeur à la mairie de Remiremont. Voilà. D'accord. On est des Vosgiens et on vit et on lit entre Vosgiens. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Le soleil a l'air de faire de nouveau apparition. Merci Marion, à bientôt. Merci bien. Passez à tous une bonne journée.